بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام لهذا الدرس في تفسير كلام الله تعالى bienvenue chers frères pour ce cours dans l'exégèse de la parole d'Allah تبارك وتعالى. Aujourd'hui on va voir sourate At-Takathur. Sourate At-Takathur qui est une sourate Mekkiya, une sourate qui a été révélée durant la période mekkoise. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit après la basmala Al-Hakum At-Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. La pléonexie vous a distrait. La pléonexie vous a distrait. Je sais qu'en général, c'est marqué dans les traductions la course à la richesse. La course à la richesse, c'est pas non plus une mauvaise traduction. Attention, c'est pas une mauvaise traduction, mais on le verra tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala, concernant, lorsqu'on verra les paroles des ulémas sur ce verset, pourquoi est-ce que j'ai choisi le terme la pléonexie. La pléonexie vous a distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez. Ou alors, réellement, vous saurez. Puis, réellement, vous saurez. Réellement, si vous saviez avec certitude. Et donc, dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, al-haakum al-takathur, la pléonexie vous a distrait. Aïe, charlakum amma khuliqtum min ajlihi. C'est-à-dire que la pléonexie vous a occupé, vous a détourné de ce pourquoi vous avez été créé. La pléonexie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de chercher à toujours avoir plus que les autres. C'est ça la pléonexie. Pas besoin de chercher dans vos téléphones. Et donc la pléonexie, c'est le fait de chercher à avoir plus que les autres dans tout, argent ou autre. Voilà pourquoi j'ai choisi le terme pléonexie, parce qu'il est plus général. Certains savants, ils nous disent, quand on lit dans les tafsir, par exemple le Barawi rahimahullah, il nous cite al-hakum at-takathur ay fil amwal, c'est-à-dire dans l'argent. Et donc la course aux richesses. La course aux richesses vous a distrait. D'autres savants nous disent là, inna Allah azza wa jalla dhakara at-takathur wa lam yadhkur al-mutakathir bihi. Allah il a cité donc la course, la recherche, mais il n'a pas cité qu'est-ce que la personne recherche. Pourquoi? Parce que c'est général. La personne cherche à avoir plus que les autres, que ça soit dans l'argent, fil mal, fil aulad, elle veut plus d'enfants, hein, fil jah, un rang plus élevé, etc, etc. Elle ansar, plus d'alliés, et donc elle veut plus que les autres. Même parfois dans la ville, tu trouves deux musulmans, ils sont dans deux villes différentes, hein, les deux sont dans des villes, dans des pays non musulmans, là il va te dire, ah ma ville elle a plus de ça que toi, et là ma ville elle a plus de ça que la tienne. T'as, vous êtes tous les deux dans des pays de koufar. Et donc, on cherche à avoir plus que les autres, que ça soit dans les biens ou autres. Est-ce que c'est compris? C'est pour ça que j'ai choisi le terme pléonexie. فهذا الامر قد شغلكم عن تعلم دينكم واداء الصلوات في وقتها والهجره الى ربكم فرارا بدينكم. Et donc cette pléonexie, la recherche d'argent, de famille et autres, rend tout cela vous a distrait et vous a détourné de l'apprentissage de votre religion, l'accomplissement des prières en leur temps, le fait d'émigrer vers Allah, vers son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et le fait d'émigrer pour préserver votre religion. Bel hadha at-takathur. Hadha at-takathur hamala al-insana ala aksi ma umira bi. Encore plus que cela, pire que cela encore. Cette pléonexie a poussé l'individu, a poussé l'être humain à faire le contraire de ce qui lui a été demandé de faire. فالآن تجد المرء يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار من أجل التكاثر. Aujourd'hui, tu trouves l'individu qui va émigrer des pays musulmans vers les pays non musulmans pour la pléonexie. Avoir plus. On est tous là dans un pays musulman. Type, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres. On veut plus. Allez hop, on voyage pour Bilal Koufa. Malif, on va patienter sur le fait qu'il n'y a pas l'Eden. On va patienter sur les salawats. Malif, parfois certaines salawats, on va les rattraper après, etc., etc. Et donc, cette pléonexie a poussé l'individu à faire le contraire de ce qui lui a été ordonné de faire. Et comme je l'ai dit précédemment, que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas cité précisément ce que cette personne recherchait. Donc ça peut être l'argent, ça peut être aussi le rang. Comme je l'ai cité précédemment, ce n'est pas que l'argent. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Hatta zurtumul maqabir » jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. « Fahadihi al-rafla » التي فيها الإنسان استمرت به أو استمرت معه إلى موته. Et donc cette négligence dans laquelle l'être humain est, elle persiste avec lui jusqu'à sa mort. تأملوا أيها الإخوة. Méditez, oh chers frères. فإن كثيرا من إخواننا متأكدون أنهم يجلسون في هذه البلاد يا لنجمع نجمع قليلا فإذا وصلوا إلى مبلغ معين خلاص نهاجر. Beaucoup de nos frères, ils pensent que on reste ici, on rassemble un peu d'argent, on économise une certaine somme, et dès qu'on a cette somme là, ça y est, c'est bon, on y va. C'est bon, on y va. On attend cette somme là, c'est l'élément déclencheur. Combien se sont perdus là-dedans? Et takathur. Combien se sont perdus, ont attendu cette somme, lorsqu'ils sont arrivés à la somme? Finalement, c'était pas si difficile que ça. Hein. On peut monter encore plus. Allez, on monte. Ou alors, lorsqu'on est arrivé à... Oui, mais quand j'avais fait le calcul pour arriver à cette somme-là, c'était avec une épouse. Là, je peux avoir deux, Inch'Allah. Allez, hop là, on fait monter la somme. Ah non, avant, j'avais pas calculé que j'allais avoir 5 enfants. Allez, faut faire monter la somme. Toutes les raisons sont bonnes. Et on reste comme ça. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Fa idha mata al-insan inkashafa anhu hadha al-ghita' alladhi kana yughatti basarahu wa fu'adahu. Et lorsque cette personne meurt, alors la couverture qui couvrait ses yeux et son cœur, cette couverture qui l'empêchait de voir réellement ce dont il avait besoin, cette couverture sera enlevée. Et là, il va réaliser les erreurs qu'il a commises. Il va réaliser qu'il n'avait pas à chercher cet argent ou autre, mais qu'il devait se concentrer dans ce qui lui est profitable pour l'au-delà. Sauf que, une fois que cette couverture est levée, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que tu n'es plus dans Dar al-Amal. Tu n'es plus dans la résidence des œuvres. Ici, Bafid Dunya. Tu es dans Dar al-Jazaa. La résidence de la rétribution. C'est fini les œuvres. C'est trop tard. Après la mort. Wa fi hadhihi al-aya, ayyuha al-ikhwa, anna al-qubur dur ziyara. L'astikrar. Il y a aussi dans ce verset, oh chers frères, le fait que les tombes sont des demeures de visite et non des demeures de résidence. Tu ne vas pas rester dans ta tombe. Mais c'est juste un endroit qui te permet de parvenir à un autre le jour de la résurrection. Wa fi hadha yattadihu lana ayyuha al-ikhwa al-khata' al-fahish الذي وقع فيه بعض الناس. Et c'est à partir de là qu'apparaît clairement l'erreur grave dans laquelle sont tombées certaines personnes. في حديثه عن الموتى Yakulun Fulan fi kabrihi Fekod dakhala fi mathwahul akhir. Ils disent un tel dans sa tombe, il est rentré dans sa dernière demeure. Hada khata, hada la yukol hada. C'est pas normal qu'on dise cette parole. C'est pas sa dernière demeure la tombe. C'est pas sa dernière demeure. Huwa yazuru hafakot. Il visite cette tombe seulement. Et ensuite il sera ressuscité. Les savants ils disent hada al-qawl fihi inkarun il-ba'th. Ils disent, il y a dans cette parole le fait de nier, de rejeter la résurrection. Le fait que les gens seront ressuscités, seront sortis de leur tombe. Ce n'est pas sa dernière demeure. La dernière demeure, c'est Jannatun Aounar. C'est ça la dernière demeure. Et donc, il faut faire attention à nos paroles. Il faut qu'on fasse attention à ne pas dire ce qui est contraire à la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal qui nous dit « Kalla sawfa ta'lamun » ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا qu'on peut traduire en disant mais non aïe les zèjres ou alors hakkan et donc on va traduire en disant réellement et donc réellement vous saurez ou alors mais non vous saurez c'est-à-dire mais non aïe utruku hada takathur délaissez cette pléonexie. Délaissez cela, vous saurez, sauf ta'lamoun, vous allez savoir. Sauf ta'lamoun, aqibata takathurikum, wa annahu la yanfa'ukum shay'an. Vous allez savoir les conséquences de votre pléonexie, de votre pléonexisme, et que celui-ci ne vous est profitable en rien. Vous saurez avec certitude. فَتَوَعَدَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَنَّ هَذَا الْعِلْمِ لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ici, il menace l'être humain. Parce que ce savoir, vous saurez que le pléonexisme ne vous est pas profitable. Ce savoir, en réalité, ce savoir n'est pas profitable après la mort. Et donc, quand vous allez le savoir, ça sera pour vous une punition. Parce que c'est trop tard. Le moment pour le savoir, pour en profiter, c'est ici-bas, fid-dunya. Une fois que tu le sais après ta mort, c'est trop tard. Et donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala, ici, il menace l'être humain. Il menace l'être humain qui est attaché à cette dunya. Vous saurez que tout cela ne vous est pas profitable. فَيَنْدَمُ الْإِنسَانِ عَنْمَنْ صَدَرَ مِنْهُ. Et à ce moment-là, l'être humain va regretter ce qu'il a accompli. Il va regretter, mais c'est trop tard, comme on l'a cité précédemment. ثُمَّ أَكَّدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ ذَلِكَ الْكَلَمُ. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala a confirmé cela. Et il dit, ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Puis, réellement, vous allez savoir. Puis, réellement, vous saurez. Et donc, il a confirmé le fait que l'être humain saura avec certitude que ce pléonexisme ne lui est pas profitable. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit « Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin » Réellement, si vous saviez avec certitude. Si vous saviez avec certitude. Est-ce qu'on lit ce verset-là avec le verset qui vient après ? Les Taraoun al-Jahim. Vous allez voir, donc, l'enfer. Si vous saviez avec certitude, vous verrez l'enfer. Ça, ce sujet-là, on va l'aborder, inshallah ta'ala, dans quelques instants. Et je vous préviens juste, intentionnellement, on ne le voit pas ici, tout de suite, mais on le verra dans quelques instants, inshallah ta'ala. C'est intentionnel. Et donc, كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ. Réellement, si vous saviez avec certitude, حَقًّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ أَنَّكُمْ سَتَمُوتُونَ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ حِينَئِذٍ إِلَّا مَا رَضِيَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَكُمْ لِعَرَفْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ضَلَالٍ وَفِي خَطَئٍ عَظِيمٍ. C'est-à-dire, réellement, Si vous saviez avec certitude que vous allez mourir et retourner vers votre Seigneur, et qu'à ce moment-là, seul ce que votre Seigneur agrée vous sera profitable, alors vous sauriez que vous êtes dans un égarement et que vous êtes dans une grave erreur. Et donc ici, on a un passage important, mes frères. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Law ta'alamuna ilm al-yaqin » Si vous saviez avec certitude, c'est ce qu'on appelle en arabe « Esh-shart ». On a « Esh-shart », donc la condition. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe. En français, dans la langue française, ça s'appelle la proposition subordonnée. En grammaire. Proposition subordonnée. C'est-à-dire que quand tu mets une condition sur quelque chose, si tu fais quelque chose, si tu révises, tu réussiras. Si tu travailles bien, tu réussiras. Et donc, tu mets la condition. On a la condition, donc le fait de dire si. Là où ta'alamouna ilm al-yaqin, si vous saviez avec certitude, ça c'est la condition, la préposition subordonnée dans la langue française. Elle est où la réponse ? Eina jawabu shart ? Elle est où la réponse à cette condition ? En français, la réponse, on l'appelle proposition principale. Où est la suite ? Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Kalla law ta'alamuna ilm al-yaqin » Si vous saviez avec certitude, attention, c'est pas la suite, c'est pas le verset qui vient après qui est la réponse. Attention. C'est pour ça que les savants disent, c'est une erreur, que celui qui récite le Coran, il dit Kalla law ta'alamuna ilm al-yaqin, et ensuite il continue. Il ne s'arrête pas, mais il continue en disant Li tarawunna al-jahim. Non, là, il faut s'arrêter. Kalla law ta'alamuna ilm al-yaqin, stop. Li tarawunna al-jahim. On ne lit pas les deux versets ensemble. Pourquoi ? Parce que là, on change le sens. Parce que le sens de ce premier verset que je vous ai cité, c'est « Law ta'alamuna ilm al-yaqin, li'alimtum annakum fi dalal » Si vous saviez avec certitude que vous allez être ressuscité, que vous allez rencontrer votre Seigneur, alors vous sauriez, c'est ça la réponse, vous auriez su que vous êtes ici dans une erreur grave, que vous êtes ici dans un égarement. Le fait de chercher, donc l'appât du gain, être accroché à un rang élevé, tout ce qui peut nous détourner d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà la réponse. La réponse, elle a été effacée. Les savants, ils nous disent, « Jawabu shardi mahzouf ». La réponse a été effacée. La réponse à cette condition. On a la condition, « Si vous saviez avec certitude ». Ça, c'est la condition. La réponse n'a pas été citée dans le verset. Elle n'a pas été citée dans le verset. Et donc, c'est important. Ensuite, après cela, on a une autre phrase qui commence, qui n'a pas de lien avec la précédente. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Les taraoun al-jahim, vous verrez l'enfer », cette phrase-là n'a pas de lien avec la phrase d'avant. Il faut bien faire attention à ne pas donc se tromper dans ce sujet. Pourquoi ? J'insiste là-dessus. Parce que si tu dis ça veut dire, si vous saviez avec certitude, vous aurez vu l'enfer. On comprend quoi de ça? Ça veut dire que pour voir l'enfer, c'est une condition de savoir avec certitude. Ça c'est une erreur. Tous verront l'enfer. Les musulmans et les non-musulmans. Tous. Et c'est pas une certitude que t'es, c'est pas une condition que tu aies compris ici-bas, avec certitude que tu vas être ressuscité. Même le kafir, celui qui est mulhid, donc le athée, celui qui te dit on ne sera pas ressuscité, etc., etc., il verra le jahim. Il verra l'enfer. D'accord? Donc là, aujourd'hui, si tu dis, si vous saviez avec certitude, vous auriez vu l'enfer, c'est une erreur. C'est une erreur. Attention, et donc à ce moment-là, si vous saviez avec certitude, stop. Ensuite, vous auriez vu l'enfer. Vous verrez l'enfer, excusez-moi. Vous verrez l'enfer. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, Il nous montre ici, oh chers frères, dans ce verset, que ta'allukun nas bid-dunya wa wuku'uhum wa istimraruhum fi dhalika al-amr at-takathur dalil 'ala naqsin fil iman bil ba'th. Le fait que la personne soit attachée fortement à cette dunya et que cette personne persiste à rechercher les gains, à rechercher donc dans l'appât du gain, la course aux richesses, la pléonexie, tout cela montre une faiblesse dans la foi à la résurrection, une faiblesse dans la croyance à la résurrection. Pourquoi? Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit concernant le mutaffifoun. Concernant le mutaffifoun, donc ceux qui vont demander pleinement leurs droits, mais qui ne donnent pas leurs droits aux autres. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit quoi concernant ces gens-là? Il dit « Ela yadhunnu ulaika annahum mab'uthun » Ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Et donc ça montre qu'il y a une faiblesse dans la croyance en la résurrection. Voilà pourquoi il est important, chers frères, qu'on ne soit pas attaché à cette dunya, cet argent, ces euros, cette carte vitale. Hein? Ça montre une faiblesse dans la croyance en la résurrection. Car si réellement tu crois en la résurrection, tu crois au Jannah, tu crois qu'Allah tabaraka wa ta'ala va te donner mieux que tout ce que tu as ici, tu ne te serais pas attaché aux euros. Tu pars sauver ta religion. Tu préfères rester pauvre dans ton pays musulman plutôt que de manger tous les jours KFC ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ici. Sûr et certain. Pourquoi? Parce que tu as cette certitude que tu auras mieux là-bas dans l'au-delà. Et donc, le fait qu'on reste là comme ça, ça montre une faiblesse. Une faiblesse dans notre foi qu'on doit corriger. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit les taraoun al-jahim. Vous verrez l'enfer. Et ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui jure ici. Aqsam. Les taraoun al-jahim. Ici, il y a un qasam qui a été effacé. C'est Wallahi les taraoun al-jahim. Par Allah, vous verrez l'enfer. Femeta yaraoun al-jahim. Quand est-ce que les gens verront l'enfer? Yawm al-qiyama yu'ta bin nar. Binari Jahannam. Au jour de la résurrection, on viendra avec le feu de l'enfer. Alayha sab'una alf zimam. Il y aura donc 70 000 laisses. Ou 70 000 chaînes aussi, pourquoi pas. Et donc, l'enfer, Jahannam, sera tiré avec 70 000 laisses. Ala kulli zimam sab'una alf malak. Sur chaque laisse, 70 000 anges. Hada yadullu ayyuha al-ikhwa ala 'idhami jahannam. Ça nous montre, oh les frères, le caractère grandiose et terrible de l'enfer. Énorme. Énorme. On a déjà vu que Jibril, à lui tout seul, il a porté sept villes. Sept villes à lui tout seul, Jibril. Les a portées jusqu'au ciel, les a retournées. 70 000 anges multipliés par 70 000 pour tirer l'enfer. Les Taraoun al-Jahim. Ça fait combien? 4 900 000. Mashallah. Les Taraoun al-Jahim. Vous verrez l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous menace, qui nous rappelle délaissez ce takathur, délaissez cet argent. Obéissez à Allah tabaraka wa ta'ala, vous verrez l'enfer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Thumma akkad Allah tabaraka wa ta'ala dhalik. Ensuite Allah il a encore une fois confirmé cela. Thumma litaraunaha 'ayna al-yaqin. Puis vous allez la voir avec la vision de certitude. Vous allez la voir avec la vision de certitude. De vos propres yeux, avec certitude. Lakin la yanfa'ukum. Cependant, à ce moment-là, ça ne sera pas profitable. C'est trop tard. C'est trop tard. Thumma khatama Allahu tabaraka wa ta'ala hadhihi as-sura. Ensuite, Allah Ta'ala qui a fini, qui a parachevé cette surah, et il dit ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis en ce jour, vous serez interrogés concernant les bienfaits. Vous serez interrogés concernant les bienfaits, tous les bienfaits qui vous ont été accordés. Pour finir, Inch'Allah Ta'ala, je vous lis juste la parole du Sheikh Al-Allama Ibn Sa'di Rahimahullah dans son tafsir, qui nous dit الَّذِي تَنَعَمْتُمْ بِهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا هَلْ كُمْتُمْ بِشُكْرِهِ وَأَدَّيْتُمْ حَقَّ اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ تَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ فَيُنَعِمْكُمْ نَعِيمًا أَعْلَى مِنْهُ وَأَفْضَلُ أَمْ اغْتَرَرْتُمْ بِهِ وَلَمْ تَقُومُوا بِشُكْرِهِ بَلْ رُبَّمَا اسْتَعَنْتُمْ بِهِ عَلَى الْمَعَاصِي فَيُعَاقِبْكُمْ عَلَى ذَلِكَ. Il dit, rahimahullah, ces bienfaits dont vous avez profité ici-bas, est-ce que vous l'avez remercié? Avez-vous accompli le droit d'Allah quant à ces bienfaits, tous les bienfaits que tu as? L'air que tu respires, l'eau que tu bois, la nourriture que tu manges, tes parents musulmans qui t'ont enseigné l'islam depuis que tu es tout petit. Hein? Tous les bienfaits qu'Allah t'a accordés. Le fait que Allah Azza wa Jal ne t'a pas laissé comme ça, égaré, mais il t'a guidé, il t'a envoyé le Coran. Il t'a donné la capacité d'apprendre ta religion. Est-ce que tu as remercié Allah Tabaraka wa Ta'ala pour tous ses bienfaits? Est-ce que tu as accompli le droit d'Allah quant à tous ses bienfaits? وَلَمْ تَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ. Et que vous n'avez pas utilisé ses bienfaits dans la désobéissance. Combien Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorde des bienfaits, les gens l'utilisent dans la désobéissance. Ensuite, il nous dit le cheikh, ou alors, peut-être que vous vous êtes leurré et que vous n'avez pas remercié Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais que vous avez utilisé ces bienfaits dans la désobéissance. Vous avez utilisé ces bienfaits dans la désobéissance. Regarde, médite. Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a accordé des yeux. Il y a des gens qui sont aveugles. Il y a des gens qui sont aveugles, ils ne voient pas. Allah t'a permis de voir. Est-ce que cette vue qu'il t'a donnée, tu l'utilises dans son obéissance pour regarder ce qui est halal, regarder ce qui est neuf et profitable, ou est-ce que tu vas utiliser cette vue pour regarder ce qui est interdit? Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a accordé une bouche, certains ne peuvent pas parler. Est-ce que cette bouche, tu l'utilises dans l'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala ou tu l'utilises dans sa désobéissance? Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a accordé des pieds, même chose, des mains, même chose. Tous les bienfaits qu'il t'a donnés, les tous elouna anin na'im, vous serez interrogés concernant les bienfaits. Alors, chers frères, on doit remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, afin qu'il nous en accorde encore plus. Car si on ne le remercie pas, Tabaraka wa Ta'ala, il nous châtiera par rapport à cela. On arrête là pour aujourd'hui, Yarhamukallah. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous placer parmi les vertueux. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.